Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Direct du stade Fernand Bédard, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières avec Simon Laliberté à la description du match. Toute l'équipe de C'est fou vous souhaite un bon match sur les ondes du 89.1 FM. Bonsoir amateurs de baseball et bienvenue à ce reportage qui vous parvient en direct du stade Fernand Bédard de Trois-Rivières. Donc nous sommes en début de troisième manche présentement. On a trouvé quelques problèmes techniques il y a à peine une heure, mais on va faire avec les moyens du bord, comme on dit, et on va faire le match par téléphone pour ce soir. Donc, si la qualité sonore fait défaut, ben vous savez pourquoi. Nous sommes en début de troisième manche, les Aigles qui mènent 2-0 face au Capital de Québec. C'est Joel Carranza qui a frappé un coup de circuit. Et La France qui était sur les sentiers, lui a frappé un simple, donc circuit de 2 points. Et en début de troisième, les Aigles mènent 2-0. Tire de rush prise sur décision. Nous sommes à un compte de 1 balle et 2 prises pour Cédric Vallière au bâton. Vallière qui occupe le deuxième coussin ce soir pour les Capitales. Rush accepte. Tire. Rate le coin extérieur. C'est une deuxième balle. Il s'agit du premier match de cette saison 2016 des Aigles. L'équipe qui va être du côté de Québec demain soir. La série va revenir à Trois-Rivières samedi et se terminer à Québec dimanche. Le tir, voilà, troisième prise sur décision. Vallière qui a figé. Le tir était tout près des genoux. A décidé de regarder passer le tir et au final, c'est un rétro-bâton à la fiche de Matt Rush. C'est son premier de la campagne. Du côté des Aigles en défensive ce soir, on retrouve La France derrière le membre. Matteo est au premier. Morales est au deuxième. Trabe est au troisième et Merchant patrouille la récours. Et au champ extérieur, on retrouve de la gauche vers la droite, Judah, Brown et Ruiz. Et c'est la Carranza qui, lui, a frappé la longue balle de 2 points. Lui, est employé comme frappeur désigné. Adam Hurlish, le receveur des Capitales, est au bâton. Hurlish, sa première présence dans l'uniforme québécois cette saison. Le premier tir, c'est une première balle. Côté des Aigles et du côté des Capitales, comme toutes les formations de la Ligue canadienne, beaucoup de nouveaux visages. On aura la chance d'en parler amplement lors du reportage de ce soir et peut-être celui de demain. Reste à savoir si les problèmes techniques vont être résolus. Puis le troisième manche, les Aigles qui mènent 2-0. 2 coups sûrs pour les Aigles et 1 seul pour Québec. Le coup sûr des Capitales appartient à Marcus Mack. C'était un double en deuxième. Tire le rush. La balle qui est frappée avec aplomb au champ ensemble, mais Brown se déplace d'à peine un pas vers sa droite et saisit la balle pour le deuxième retrait. On revient avec le haut de l'alignement bâton pour Québec. C'est Jonathan Malo qui va s'amener. Malo qui, lui, lors de la première manche, a été retiré sur un retrait 5 et 3. Un très, très beau jeu d'Eric Grave au troisième pour débuter la saison. Elle a plongé sur sa gauche et remis habilement au premier à Matteo pour le retrait. Rush accepte. Et le tir. Prise sur décision. Résultat ailleurs ce soir dans la Ligue Canam du côté de Rockland. C'est égalité 1-1 entre les Miners de Sussex et les Boulders. Et du côté de Ottawa, c'est l'égalité 0-0 entre les Jackals et les Champions. Une balle et une prise à Malo. Deux retraits, personne sur les sentiers. C'est une fausse balle contre la frise du toit du stade. La balle revient tout près de l'abri des Aigles. Pour ceux qui et celles qui viennent se joindre à nous, bien, c'est la même chose pour moi puisque le reportage est tout juste de débuter. Nous sommes à début de troisième et on a eu quelques problèmes techniques, mais là, ça semble pouvoir aller mieux. On fait le match par téléphone avec vous ce soir. Donc, si la qualité sonore fait défaut, bien, on ne peut pas y faire. Et la balle est frappée par Malo du côté droit, captée par Ruiz au champ extérieur pour le troisième retrait. Rush a été parfait dans cette manche. On se dirige en fin de troisième avec une avance de 2-0 pour les Aigles. En vous rappelant qu'en direct du stade Fernand Bédard, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Magasiné à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous voici en fin de troisième manche au stade Fernand Bédard. Les Aigles qui mènent 2-0 face au Capitale de Québec grâce au circuit de 2 points du frappeur désigné Joel Carenza. Pour les Aigles, à cette fin de troisième manche, on verra les frappeurs 9, 1 et 2. Morales, Ruiz et Merchant, trois nouveaux venus dans l'uniforme trifluvien cette saison. Morales, le joueur de deuxième but. Ruiz, le voltigeur de droite. Et Merchant, le joueur d'arrière-court. Du côté des Capitales, sur la butte, c'est Derek Hooker ce soir. On tente la mortier du côté de Morales, mais c'est complètement raté la balle qui se retrouve contre le filet protecteur. Aucune balle et une prise pour Morales. Dans le cas de Derek Hooker, lui, il a été transformé en lanceur partant à la toute fin de la saison dernière pendant que Morales frappe la balle vers Valère au deuxième, lui saisit et calmement remet à temps au premier pour le premier retrait. Retrait qui s'inscrit 4 et 3. Du côté de Hooker, comme je le mentionnais, lui a été transformé en lanceur partant durant les séries éliminatoires la saison dernière, puisqu'auparavant, Hooker était un spécialiste de fin de match, et là devient un lanceur partant. Donc c'est tout un ajustement, j'en parlais avec Scalabrini, le gérant des Capitales avant le match, mais quoi que Hooker va être en mesure d'accomplir cette tâche. Premier tir à Ruiz, c'est une prise sur décision. Pour Ruiz, lui, en première manche, a été retiré sur un roulant vers le joueur de premier but, Kyle Lennerton. C'est une balle qui est frappée du côté gauche et elle va terminer sa course contre le filet de la terrasse située du côté gauche. De très bonne foule ce soir au stade Fernand Bédard. À l'œil comme ça, je vous dirais qu'il y a facilement plus de 2000 spectateurs dans les gradins pour le 4e match d'ouverture de l'histoire des Aigles. Temps d'arrêt demandé par Ruiz. Pour aucun, le partant des Capitales, l'an dernier, fiche de 5 victoires, 2 défaites. Une excellente moyenne de points mérités à 1.88. A été employé dans 40 matchs l'an dernier, un seul départ, comme que je le mentionnais. Donc, 48 manches lancées l'an dernier pour aucun cette saison. Bien, il va en lancer une centaine facilement. Lorsqu'il est employé comme partant, c'est beaucoup plus difficile pour l'épaule. Le tir qui touche le sol, c'est une première balle, 1 et 2 à rouer. Les Aigles ce soir qui portent l'uniforme blanc avec pantalon blanc. Et du côté des Capitales, la chemise grise avec les pantalons gris. Hooker accepte. Le tir. Une autre fausse balle cette fois du côté gauche. Le nouveau venu, Jesus Merchant, lui, prend des élans au cercle d'attente. 0 et 2. Hooker accepte. Le tir. La balle qui est frappée à travers le monticule et cette balle va percer l'avant-champ. Aucune chance pour la défensive des Capitales. Et voilà le troisième coup sûr ce soir des Aigles. Très bon contact de Ruiz. Aucun aurait peut-être pu saisir ce roulant, mais lorsqu'il a terminé sa motion, bien, il a quitté le monticule, ce qui a fait en sorte que la balle a passé en ligne droite sur la plaque et a passé même exactement au-dessus du deuxième coussin. Premier tir à Merchant. Prise sur décision. Dans le cas de Merchant, lui, a été retiré sur une flèche au joueur d'arrêt-court Malo en première manche. Le lancer. Oh, et à l'intérieur, c'est une première balle, une et une. Dans le cas de Merchant, lui, c'est le joueur des Aigles qui possède le plus d'expérience dans le baseball professionnel, puisqu'il a disputé un total de 7 saisons au niveau 3A. On tente de surprendre Ruiz au premier, mais le relais n'était pas atteint. Merchant, qui est âgé de 35 ans, un des 4 joueurs de statut vétéran du côté des Aigles cette saison. Une et une. La balle qui est frappée avec d'aplomb du côté gauche. Cette balle va rouler jusqu'au voltigeur Gretzky. Et voilà un deuxième coup sûr de suite pour les Aigles qui menacent avec un seul retrait et deux coureurs sur les sentiers. Et oui, vous avez bel et bien entendu le voltigeur Gretzky. Le fils du célèbre Wayne qui sera d'ailleurs demain du côté du stade municipal à Québec. Et croyez-moi que l'équipe marketing des Capitales se réjouit de la visite de Wayne Gretzky demain à leur match d'ouverture, puisqu'on pense être capable d'accueillir un total de près de 6500 spectateurs demain du côté de Québec. Gretzky n'est pas le plus flamboyant joueur de baseball, lui, s'aligné au niveau A l'an dernier. Mais quand tu as un père qui s'appelle Wayne, bien ça peut attirer les foules. Daniel Matteo est au bâton. Matteo qui a été retiré sur élan lors de la première manche. Le premier tir qui la fonde bien devient une fausse balle contre le filet protecteur. Matteo s'aligne avec les Aigles depuis un petit bout, depuis la saison 2014. C'était joint avec l'équipe à la toute fin de la campagne. Elle avait connu un très bon mois d'août. Ça va laisser une très bonne impression durant la forêt pendant que le tir de Hooker est complètement raté et les deux coureurs sur les sentiers vont avancer de 90 pieds. C'est donc dire que les Aigles menacent avec deux coureurs en position de marqué et un seul retrait. Hooker a complètement échappé cette balle qui s'est terminée contre le muret derrière le receveur Ehrlich. Du côté de Québec, on a plusieurs nouveaux noms à apprendre. Avec notamment Ehrlich, le receveur, on a perdu les services de Jean-Luc Blacquière, notamment, et de Oswe Perlé, les deux receveurs qui étaient avec les Capitales depuis un bon petit bout. Ensuite de ça, on a Lennerton au premier. Vallière est au deuxième. Fontaine est au troisième, avec Malo à l'arrêt-court. Et du côté du champ extérieur, on retrouve de la gauche vers la droite, Gretzky. L'excellent Kalyan Sams au centre et un dénommé Knack, lui qui patrouille le champ droit. Une balle et deux prises. À Matteo, un retrait, les Aigles menacent. Nous sommes enfin troisième. Balle frappée faiblement. Elle touche le pied de Matteo et devient une fausse balle. 2-0, les Aigles, fin de troisième manche. Match numéro 1 de cette saison de 100 matchs. Match numéro 1 également d'une séquence de 53 présentée à Trois-Rivières cet été. Steve Brown est au cercle d'attente. Aimerait bien que Matteo soit obtenu une passe gratuite ou du moins atteigne les sentiers pour poursuivre cette menace offensive. Le lancer. Balle frappée et elle va passer. Non, elle est saisie par le joueur d'un coup. Malo qui remet au premier à temps pour le deuxième retrait. Mais sur le jeu, Ruiz croise de marbre, les Aigles mènent maintenant 3-0. J'étais convaincu que cette balle aurait peut-être percé l'avant-champ, puisque, à l'image de la frappe de Ruiz tout à l'heure, cette balle a été frappée directement à travers le monticule. Mais Malo a été assez rapide au joueur de la course. Il s'est déplacé devant le deuxième poussin pour aller bloquer la balle et réaliser le retrait au final qui s'est inscrit 6 et 3. Steve Brown s'amène au bâton avec son nouveau compatriote Merchant au troisième en position de marquer. Comme ici à Brown, c'est une prise sur les sixièmes. Aucune balle et une prise à Steve Brown. C'est là, Faller, deuxième prise. Brown tire de l'arrière par deux. Hooker accepte le tir. Oh, et à l'intérieur, c'est une première balle. Je reçois présentement plusieurs commentaires d'auditeurs qui nous mentionnent qu'on a quelques difficultés avec le son. Et c'est tout à fait normal puisque présentement, je suis via mon téléphone cellulaire pour vous décrire le match en raison de problèmes techniques. Une balle et deux prises à Brown. Tire de Hooker. Balle frappée en flèche du côté droit, mais contre l'abri des joueurs des Aigles qui ont dû se rentrer la tête pour ne pas être atteint par cette balle. Brown, lui, s'aligne avec les Aigles depuis les tout débuts, depuis la saison 2013. Ouais, 1-0 les Aigles, nous sommes en fin de troisième. Le tir. Balle catapultée du côté droit. Elle semble très loin. La piste d'avertissement, la balle, elle est frappée contre la clôture du troisième. Merchant vient facilement marquer. Et c'est un double pour Steve Brown. Oh, cette balle a été frappée avec aplomb du côté du champ opposé. Et les partisans croyaient même que c'était une longue balle puisqu'ils se sont tous levés d'un trait. Mais au final, les Aigles mènent par 4 et inscrivent un cinquième coup sûr au tableau. Il s'agit du même coup du premier double de la campagne pour les Aigles. Et on va maintenant voir Sam Judah au bâton pour poursuivre cette séquence offensive. Le fait de Judah, lui, a été retiré sur décision en deuxième manche. Judah, un imposant frappeur de roitier. La balle est frappée vers Malo qui plonge, mais la balle passe en dessous de son corps et on va pousser Brown jusqu'au marbre. Ce sera serré. Et ça mène Lizzie le souffle. Et Judah tente sa chance au deuxième et il est retiré. Mais les Aigles, eux, marquent un autre point. Et dans cette manche, bien, ils ont marqué 3 points. Sur un total de 4 coups sûrs au fil d'erreur et personne n'a été laissé sur les buts. Après 3 manches complétées, 3-Rivières 5, Québec 0. En vous rappelant qu'en direct du stade de Fernand Bédard, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à Rock Classique. Rock Classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Mardi de la relève, le plus grand concours de Ben Live entre Montréal et Québec en est à sa 19e édition. Mardi 24 mai, grande finale. Les Mardis de la relève au Gambrinus, une réalisation des productions Joshua. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Le Mathieu Planchon aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Planchon avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Génial Liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est Fou 89.1 FM. Sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en début de quatrième manche du côté du stade Fernand Bédard, les Aigles qui mènent maintenant 5-0 sur les Capitales de Québec. Poussé de 2 points en deuxième et de 3 points en troisième manche qui porte la marque 5-0 pour les locaux. Duel entre Rush et Kalyan Sands maintenant avec un retrait au tableau. Tir qui rate à l'extérieur, c'est une première balle. Le premier frappeur de cette manche était Scott David qui lui s'était lancé sur un tir haut, et au final, c'était un ballon capté par Judah au champ gauche. Le tir de Matthew Rush serait là. Très bon tir, rapide à 86 000 à l'heure, une et une. Dans le cas de Sam Judah, un des quatre vétérans du côté des Capitales de Québec, âgé de 29 ans, originaire des Pays-Bas. Le tir de Rush, balle frappée vers le joueur d'Aco Merchant qui saisit et calmement remet à temps à Matteo pour le deuxième retrait. Matteo qui s'inscrit 6 et 3. Jordan Leonardson s'amène au bâton pour les Capitales. Leonardson, le joueur de premier but de Québec, de qui on dit beaucoup de bien, surtout pour ses talents en défensive. Leonardson, c'est un joueur canadien, originaire de la Colombie-Britannique. C'est lié au niveau 3A l'an dernier avec le réseau des Braves d'Atlanta. Au total, en 3 saisons au niveau 3A, Leonardson possède une moyenne au bâton de 256 avec 32 longues balles. Le tout en 1210 apparitions au bâton. Le tir de Rush. Trop bas, première balle, une et une. Début de quatrième manche à Trois-Rivières, les Aigles qui mènent 5-0 sur Québec. Deux retraits, personne sur les sentiers présentement. Le tir de Rush, balle frappée du côté droit, elle est fausse balle, indique l'officiel. C'est donc une deuxième prise au tableau. Le deuxième match de cette série sera présenté demain soir du côté de Québec. Match qui est prévu à 19h05 et on tentera, on fera notre possible demain pour vous présenter ce match, mais rien n'est officiel pour le moment. Une et deux, le tir de Rush, grosse balle du côté gauche. Côté des Aigles, plusieurs départs, plusieurs pertes durant la saison morte. Quelques-unes étaient prévues par le gérant Laforêt, mais d'autres ont été des mauvaises surprises. Une et deux à Allen Hurton. Un tir. La balle est frappée vers Merchant à l'arrêt court qui est saisi. Et calmement remet au premier à terre. Mathéo qui a dû sauter et toucher au coureur pour effectuer le troisième retrait. Demi-manche parfaite en défensive pour les Aigles et Matthew Rush. On se dirige en fin de quatrième manche avec une avance de 5-0 pour les Aigles. En vous rappelant encore en direct du stade Fernand-Bédard, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Samedi 28 mai, 21h30, les Divans Bruns sont de retour aux Zénob pour vous faire danser. Pour une soirée endiablée au rythme de succès bonbons des années 60 à 80, tout ça joué par cinq amis d'enfance de Trois-Rivières, soyez au Zénob ce samedi 28 mai, 21h30, pour les Divans Bruns. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage requis, aujourd'hui. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous voilà en fin de quatrième manche, les Aigles qui mènent 5-0 sur Québec dans ce tout premier match de la saison 2005. C'était le Hooker à la Friends. Trop bas, c'est une première balle. Les Aigles qui vont-ils poursuivre sur leur séquence dans cette manche puisqu'ils ont marqué 2 points en deuxième et 3 à la manche précédente pendant que le relais du joueur droit du but n'est pas capté par la Newton au premier et la Friends va profiter pour facilement trotter jusqu'au deuxième. Oh, c'est Fontaine, le joueur de troisième poussin qui, la balle s'est frappée en flèche vers lui, a dû faire vite, a remis la balle au premier. La balle qui a touché le sol, Newton a été incapable de saisir. On a dit que c'est une erreur au tableau. Donc, la première erreur de ce match, bien, elle appartient au très jeune joueur de troisième but des Capitales, Fontaine, seulement âgé de 20 ans. Calabrini me disait que c'était le joueur le plus jeune à qui il fait confiance depuis qu'il est en poste comme gérant des Capitales depuis maintenant 6-16 ans. L'auteur d'un circuit de 2 points en deuxième manche, Joel Carranza, s'amène maintenant au bâton. Premier tir, c'est une prise sur décision. À la défense des Capitales ce soir, bien, on le sait l'an dernier, 4 Cubains évoluaient pour la troupe de Scalabrini. Pendant que Carranza frappe la balle du côté gauche et cette balle va tomber en lieu sûr. C'est un simple pour Carranza qui est toujours parfait dans ce match. Un très bon contact directement par-dessus la tête de Fontaine au troisième. La balle qui a fait un bond au sol au champ gauche et par la suite tombée dans le gant de Gretzky. Les Aigles menacent de nouveau avec aucun retrait au tableau. Et 2 coureurs sur les sentiers, des coureurs aux extrémités présentement. C'est Eric Rabe, lui qui est de retour pour une deuxième saison, va tenter de marquer d'autres points pour les Aigles. Premier tir à l'extérieur, c'est une balle. Coup sûr pour Aigle, 1 pour Québec. Un tir La balle qui est frappée avec aplomb du côté gauche. Cette balle va donner contre la clôture, mais on indique que c'est dans le territoire des fausses balles. Oh, que c'était serré. Un très bon contact de Grabe. Mais l'officiel au marbre était très bien placé pour voir la séquence et indiquer que la balle a touché la clôture, mais dans le territoire des fausses balles. Sinon, facilement, 45 était au premier, aura atteint le troisième et les ailes auraient ajouté un sixième point. Et vous venez de vous joindre à nous. Nous sommes en fin de quatrième manche à Trois-Rivières. Les aigles mènent 5 à 0. Et si vous trouvez que le son n'est pas à point, bien, vous avez de bonnes oreilles. Nous sommes présentement par téléphone pour vous offrir ce reportage en raison de problèmes techniques. Une balle et une prise à Eric Grant. Voilà une deuxième prise, cette fois sur décision. Grabe, âgé de 26 ans, originaire de la Floride. Un tir à l'extérieur, c'est une deuxième balle, 2 et 2. Grabe est un choix de 24e ronde en 2012 des White Sox de Chicago. Et avant cela, Grabe évoluait pour l'Université de Tampa Bay. La saison dernière, Grabe a maintenu une moyenne au bâton de 249 avec 4 coups de circuit. 2 triples, 14 doubles et un total de 68 coups sûrs. Mais cette fois, Grabe est allé à la pêche et il retourne tranquillement à l'abri. Un retrait au bâton s'ajoute à sa fiche. Ce sera maintenant au tour du 9e frappeur de l'alignement de Pierre-Luc Laforêt, Delvis Morales, de s'amener au bâton. Morales qui est en audition, nous disait Laforêt avant ce match. Lui qui est arrivé à Trois-Rivières il y a à peine quelques jours, frappe la balle du côté gauche. Fontaine a jonglé avec cette balle et devra remettre au premier. Et le relais, non, touche au sol. Et Lennerton était incapable de saisir. Sur la séquence, Left Friends, Wars de Marne, les aigles mènent maintenant 6-0 sur Québec. Sur la séquence, Karim Zach, grâce au mauvais relais, lui s'est amené au deuxième but, et a eu la chance d'aller au troisième. Et bien sûr, Morales, lui, est sauf au premier sur une erreur. Le deuxième erreur ce soir pour Québec. Les deux partent à la Fontaine, le joueur de troisième but. Alors, de nouveau aux extrémités pour les aigles, un seul retrait. Et on revient avec le haut l'alignement, avec Jackson Ruiz au bâton. Tir de hooker, trop haut, c'est une première balle. Ruiz dans le match, un coup sûr en deux avec un point marqué. Un coup sûr, un point marqué et deux erreurs dans cette manche jusqu'à maintenant. Romain au premier, Morales a dû plonger, mais il a sauté. Jackson Ruiz, un ancien membre de l'organisation des Mets de New York au niveau 2A, sera employé comme premier frappeur pour débuter cette saison. Cette fois, frappe un haut ballon du côté gauche. Fontaine se déplace tout près de la rampe et va capter facilement pour le deuxième retrait. Ruiz aimerait probablement offrir une meilleure présence au bâton que celle-ci puisque personne n'avance sur les sentiers et on se retrouve avec deux retraits au tableau. L'excellent vétéran Jesus Merchant se mène au bâton. Je suis bien excellent en raison de ses chiffres. Il aura la chance de prouver de quoi qu'il est capable en ce début de saison avec les Aigles. On en parlait tout à l'heure, de Merchant, lui qui a passé 7 saisons au niveau 3. Balle frappée du côté gauche, saisie par Malo qui est jongle avec la balle. Va remettre au premier, mais. Et non, l'autre mauvais relais, Merchant qui marchait pratiquement jusqu'au premier. Bien, il est sauf. Les Aigles marchent un 7e point. C'est 7-0. Au là, du côté de Québec. Ça commence à paraître qu'on n'a pas joué un match hors concours jusqu'à maintenant. Ce soir, c'est le premier match de la saison régulière. En raison de la météo et de autres trucs qui se sont passés dans le camp à Québec, bien, ils ont disputé un seul match hors concours et c'était contre l'équipe junior Les Diamants hier soir du côté de Québec. Donc, on vient d'avoir les trois derniers relais au premier. Aucun a été dans le camp Lennerton, lui qui a dû jouer au gardien de but à tout coup. C'est une troisième erreur qui s'ajoute au tableau. Et sur la séquence, c'est Carenza, lui, qui a croisé le match. Et dans le cas de Merchant, bien, remplace Pedro Lopez à l'arrêt court et semble avoir les mêmes réflexes, la même éthique de travail dans le sens qu'il a pratiquement marché jusqu'au premier coussin. Il s'est dit, bon, c'est certain que je vais être retiré, mais le relais de Malo, lui qui a jonglé avec la balle au précédent et le relais était hors cible. C'est maintenant Daniel Matteo, bâton pour les Aigles, aucune balle et deux prises contre lui. Matteo dans cette partie 0 en 2 avec un retrait notamment au bâton en première manche. Fin de quatrième, les Aigles mènent 7-0. Et la menace se poursuit avec des coureurs aux extrémités. Et à l'extérieur, c'est une première balle. Évidemment, avec un compte de aucune balle et deux prises et deux coureurs en position de marquer, on ne voulait pas donner un tir à l'intérieur à Matteo, on sait très bien de quoi qu'il est capable. Le lancé. Et à l'intérieur, c'est une deuxième balle. Dans le cas de Daniel Matteo, l'an dernier, a mené une moyenne au bâton de 275 avec 7 longues balles. Il ajoutait à cela 63 points produits. Aucun retire son pied de la plaque. Deux balles, deux prises, deux retraits. Deux coureurs sur les sentiers. Avec Steve Brown au cercle d'attente. Le lancé. Sur la troisième prise. Très bon tir au coin extérieur de Derek Booker. Donc un deuxième retrait au bâton pour Matteo dans ce match. Mais les Aigles, eux, ajoutent deux points sur un total de un coup sûr et trois erreurs du côté de Québec. C'est maintenant 7-0, Trois-Rivières, on se dirige en début de cinquième en vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutech.org. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Début de cinquième manche du côté du stade Fernand Bédard, les Aigles qui mènent 7-0 sur les Capitales de Québec. C'est le deuxième match d'ouverture que les deux équipes s'affrontent. Et le premier, c'était en 2013. Le tout premier match de l'histoire des Aigles avait été disputé du côté de Québec. Et les Capitales n'avaient donné aucune chance à l'époque aux Aigles avec un gain de 11-3. Et pour les amateurs des Aigles depuis le début, bien, je vous donne le défi. Qui était sur la butte pour les Aigles lors de ce premier départ en 2013, le tout premier de l'histoire de l'organisation? Je vous laisse y penser et je vous reviens avec les réponses dans quelques secondes. Une balle et une prise à Marcus Snack présentement au bâton, frappeur droitier. Le tir de Rush. Pas. Et à l'extérieur, c'est une première balle, une et une. Marcus Snatch, lui, s'est aligné au niveau 2A l'an dernier avec l'organisation des Twins du Minnesota. Le tir de Rush. Balle soulevée du côté du champ droit. Ruiz sous la balle et finalement c'est Brown qui la demande et la capte dans l'allée droite pour le premier retrait. Snack, lui, avait frappé un double lors de sa première apparition au bâton, mais voilà qu'il est retiré pour une première fois du match. Et pour terminer sur Snack, lui, l'an dernier au niveau 2A, ça n'a pas très bien été avec une faible moyenne à 171. Donc, c'est peut-être pour cette raison que les Twins ont abandonné et l'ont laissé partir. Et avant cela, Knack, lui, évoluait avec l'organisation des Blue Jays entre les années 2010 et 2014 au niveau A et A fort. Le fils de Wayne et Trevor, maintenant au bâton. Wayne Gretzky qui, pour ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, bien sera du côté de Québec demain pour assister au match d'ouverture des Capitales. Et est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que cette nouvelle a grandement aidé l'équipe marketing des Capitales qui s'attendent à recevoir plus de 6000 personnes demain du côté du stade municipal. Et justement, ce sera les Aigles qui seront les visiteurs demain. La série va revenir à Trois-Rivières samedi. Match présenté à 18h. Donc cette saison, les Aigles innovent, on peut dire, et les matchs du samedi sont présentés à 18h et la série va se terminer dimanche à 13h du côté de Québec. Aucune balle et deux prises à Gretzky. A été retiré sur un roulant vers Matteo au premier tout à l'heure. Rush, le partant des Aigles accepte. Un tir rate à l'extérieur, c'est une première balle. Du côté des Capitales, bien, on évolue ce soir sans les trois joueurs cubains qu'on a annoncé plus tôt cette semaine. C'est un dossier qui a longuement tardé. Pendant que Gretzky frappe la balle vers Marshall Arancourt qui saisit, se déplace derrière le deuxième et remet à temps à Matteo pour le deuxième retrait. Le retrait qui s'inscrit 6 et 3. J'adore présentement le travail de Marshall Arancourt puisque lorsque Lopez a annoncé l'organisation des Aigles qui quittait pour le Mexique, une ligue qui commence ses activités un peu plus tôt, dans le coin là, du début du mois d'avril et qui offre des meilleurs salaires aux joueurs. Bien, Lopez avait annoncé la nouvelle à contre-cœur à l'organisation et on se questionnait. Bon, on vient de perdre notre général en défensive du côté des Aigles, mais on a acquis tout un joueur en Merchant qui le prouve dès ce soir. Balle soulevée à l'entrechamp, Merchant recule, mais c'est le voltigeur de gauche, Judah, qui s'avance, demande la balle et la saisit pour le troisième retrait. Demi-manche parfaite en défensive pour les Aigles. On se dirige en fin de cinquième manche, avec une avance de 7-0 pour les Aigles. En vous rappelant qu'en direct du stade Fernand Bédard, vous écoutez le baseball des oiseaux à C'est fou 89. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Mardi de la relève, le plus grand concours de Ben Live entre Montréal et Québec en est à sa 19e édition. Mardi 24 mai, grande finale. Les Mardis de la relève au Gambrinus, une réalisation des productions Joshua. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voilà, fin de cinquième manche du côté du parc de l'exposition à Trois-Rivières. Les Aigles qui sont en feu présentement à l'offensive, c'est le cas de le dire, même en défensive, Rush, ça va très très bien pour lui. Les Aigles ont marqué 2 points en deuxième, 3 points en troisième et on a ajouté 2 en quatrième, mène 7-0 sur Québec. 7 coups sûrs pour les Trifluviens contre 1 seul pour les Capitales. Mais qu'est-ce qu'on retient également, outre les 7 points des Aigles, ce sont les 3 erreurs en défensive à l'avant-champ du côté de Québec. Premier tir à Steve Brown, prise sur décision. Donc, dans cette manche, Brown sera le premier frappeur, sera suivi de Judah et de LaFrance. Les frappeurs, donc 4, 5 et 6 de l'alignement de Pierre-Luc Laforêt. Brown fend l'air. Deuxième prise au tableau. Brown, dans ce match, frappé un double et marqué le point en troisième manche. A également été atteint lors de la deuxième. Résultat présentement ailleurs dans la Ligue Canam. Les Boulders de Rockland mènent 2-0 sur Sussex en troisième manche. À la piste blanche, la balle du côté gauche. Cette balle est très loin. À la piste d'avertissement, la balle elle est sur la lune. Circuit au solo. Steve Brown. Il n'y avait aucun doute, les amis. Cette balle était stoppée avec Kaplon du côté du champ gauche. Entre l'écran géant et l'écran, enfin, le tableau des points, les Aigles marquent un 8e point. Et on se lève du côté de l'enclos des releveurs des Capitales. Aucun semble en avoir assez sur la butte. Et une chance pour aucun, on peut le dire comme ça, qu'il n'y avait personne sur les sentiers. Les Aigles ont donc marqué au moins un point lors de leur 4 dernières manches au bâton. Attaqué par Judas du côté gauche, saisi par Fontaine. Long relais au premier, bien fait. Et attend pour le premier retrait. Retrait qui s'inscrit 5 et 3. Le cas de Judas, ce qu'on remarque jusqu'à maintenant, c'est un très faible échantillon. Là, je vais être d'accord avec vous. Mais se lance souvent sur les premiers lancers. C'était sa 3e apparition au bâton. Et à tout coup, se lance le premier ou le 2e tir. Pour terminer le tour d'horizon dans la Ligue Canam ce soir, bien, les Spiders de Sussex mènent 3 à 1. Il y a un problème là, présentement, je suis pris à cause d'un coup du côté du site web de la Ligue Canam, puisqu'on dit qu'en 3e manche, les Boulders mènent 2 à 0 sur Sussex, et qu'en 5e, les Miners mènent 3 à 1 sur les Boulders. Une balle et une prise à la frente. Cette balle est frappée avec un plomb du côté du champ centre-gauche. À la piste d'avertissement, on tente le plongeon du côté de Gretzky, mais n'a pas été capable de capter cette balle. C'est un double pour Kyle Franz. Et c'est un 2e coup sûr dans la face pour lui. Mais la 3e fois qu'il atteint les sentiers, puisqu'il l'avait fait en 4e sur une erreur. Et jusqu'à maintenant, le Franz a marqué 2 points. Marquera-t-il un 3e ce soir? Chose certaine, il est très bien placé jusqu'à maintenant. Et j'allais dire enfin, sorti du gérant T.J. Stanton, plutôt de l'entraîneur de lanceurs T.J. Stanton, y avoir au cœur, on va lui passer un brin de jasette, puisque c'est une sortie oubliée présentement pour le partant des Capitales. Et un petit peu de quoi je disais tout à l'heure, du côté de Québec, le manque de matchs hors concours, il paraît ce soir. Côté des Aigles, on a joué 2 matchs contre les champions d'Ottawa, une formation de la Ligue Canam. On a joué 1 match contre l'Académie de baseball du Canada. On a joué 1 match également contre une équipe de la Ligue de baseball majeure du Québec. C'était le Royal Lepage Plus à Saint-Jérôme-Mardi. Et là, ça fait la différence. Puisque Hooker, oui, a peut-être pris des tirs du côté du stade municipal en pratique, mais en situation de match, avec un frappeur, c'est complètement différent. Joël Carenza. Lui est parfait dans ce match. Circuit de 2 points en deuxième. C'est lui qui a ouvert le bal dans ce match. Et simple. Et point marqué aussi en quatrième. Premier tir trop bas. C'est une première barre. Côté de Hooker a lancé jusqu'à maintenant 18 balles contre 59 prises pour un total de 77 lancés. Une balle et aucune prise à Joël Carenza. Le tir trop bas, deuxième balle. Si vous venez de vous joindre à nous, bien nous sommes en fin de cinquième manche du côté de Trois-Rivières. Les Aigles mènent 8-0 sur Québec. Encore une fois, désolé pour le son. Nous sommes présentement par téléphone pour vous retransmettre cette partie de baseball en raison de petits problèmes techniques. Le tir légèrement haut. Carenza jette un coup d'œil vers l'officiel, mais c'est une première prise sur décision. 9 coups sûrs pour les Aigles, un seul pour les Capitales. Aucun jette un coup d'œil au deuxième. Le tir d'une fausse balle contre le muret derrière. Deuxième match de cette série sera présenté demain soir à Québec. Ce sera leur match d'ouverture. Un match très attendu du côté de la capitale québécoise. 2-2 à Carenza. Et le tir rate à l'extérieur. C'est une troisième balle contre son complet. Avant ce match, on a le droit de très belles cérémonies d'avant-duel avec les petits chanteurs de Trois-Rivières qui sont venus chanter le We Are the Champion et l'hymne national canadien. Balle frappée avec aplomb par Carenza par-dessus la tête. Fontaine au troisième. Et Carenza demeure parfait ce soir avec un simple qui pousse son coéquipier LaFrance au troisième. Brown qui a amorcé cette manche avec la longue balle. LaFrance a suivi avec un double et voilà Carenza poursuit avec un simple. Et encore une fois, coureur aux extrémités. Et la voilà, la sortie du gérant Patrick Scalabrini qui ira demander la balle à son partant Hooker. Et du côté de Québec, on ne doit pas sauter aux conclusions trop rapidement. C'est le match 1 d'un calendrier prévu pour 5. Et les mauvaises langues vont dire que Hooker est un lanceur de relève. Mais on doit lui laisser ça. C'est une très grande marge d'adaptation entre être un lanceur de relève, être là pour quelques lancers et être un lanceur partant pour environ une centaine de tirs. Donc, on va prendre ce moment pour faire une toute petite pause en vous rappelant que les Aigles mènent par 8 et ce reportage vous parvient en direct du stade Thomas Bédard de Trois-Rivières sur les ondes de CFOU 89.1. Vous êtes geek et vous vous assumez? Le Mathieu Planchon aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television Television, le bloc Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, c'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Planchon avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est Fou 89.1 FM. Sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Toujours en fin de cinquième manche. Et nouveau lanceur sur la butte pour Québec. Il s'agit du releveur Ryan Leach, lanceur droitier de 6 pieds, 196 livres, âgé de 24 ans. Leach est avec les Capitales de Québec depuis la saison 2014. L'an dernier, a maintenu une moyenne de points mérités à 5.20. Le tout en 36 manches et un tiers de travail. Et lors de la saison 2014, bien... Oui, il était un membre des Capitales, mais avait seulement lancé 6 manches et 2 tirs en fin de campagne. Aucune balle et une prise à Eric Grabe. Tir qui rate considérablement à l'extérieur. C'est une première balle, une et une. La Friends passe au troisième. Kerenza est au premier, un retrait. Avec Rainbow Bâton et Morales au cercle d'attaque. Balle frappée à travers les monticules et cette balle va être saisie par Malo. Remet au deuxième point et au premier, pas d'attaque. Mais sur la séquence, les Aigles marquent un neuvième point. Et on doit souligner sur cette séquence le très beau jeu de Jonathan Malo qui a saisi cette balle derrière le deuxième but. Et était presque dos au marbre, a remis la balle à Vallière qui lui a tout tenté pour remettre au premier, mais pas d'attaque. Donc un retrait qui s'est pris 6 et 4 sur le jeu La Friends marque. Et Caranza lui a été retiré en course dans le deuxième. Grave, lui, s'installe au premier sur un optionnel. Et Morales est au bâton, frappeur gaucher contre lanceur droitier. Un lancer. Cette balle est touchée. Et c'est une fausse balle contre le filet du côté gauche. Dans le cas de Leach, ces deux saisons avec Québec, ce sont ses seules expériences au niveau du baseball professionnel. Le lancer. Balle frappée en flèche. Je les dire dans les gardins, mais cette balle a passé très près d'un joueur des Capitales directement à l'abri. Et les partisans derrière l'abri des Capitales ont eu probablement quelques sueurs froides puisque cette balle s'amenait à toute vitesse. Aucune balle et deux prises à Morales, deux retraits. Oh, très bon tir fait, la cassante et Morales est complètement déjoué. Et voilà finalement le troisième retrait de cette manche. Mais les Aigles ont quand même marqué un total de 2 points sur 3 coups sûrs, aucune erreur. Et un coureur a été laissé sur les buts. Après 5 manches complétées, Trois-Rivières 9, Québec 0. En vous rappelant qu'en direct du stade Fernand Bédard, vous écoutez le baseball des oiseaux. Assez fou, 89.1. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage Reiki, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki, aujourd'hui. Avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de CIFU 89.1 FM. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en début de 6e manche du côté du stade Fernand Bédard. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous souhaite la bienvenue à ce reportage. Mes excuses encore une fois pour le son, puisqu'on diffuse via téléphone cellulaire ce soir en raison de problèmes techniques survenus quelques minutes avant le début du match. Bien, quant aux Aigles, eux, ils n'ont pas de problème sur le terrain, même 9-0, 10 coups sûrs contre un seul. Et que dire jusqu'à maintenant de touche du bois, mais de la performance de Matthew Rush, le partant des Aigles, également entraîneur de lanceurs de l'équipe pour une deuxième saison, et tout feu, tout flamme, donne absolument rien au frappeur de Québec. Voilà, notre deuxième prise serait là. C'est le Québécois Cédric Vallière qui est au bâton. 0-1 dans ce match a été retiré sur elle. C'était en troisième manche. Le tir à l'extérieur, c'est une première balle, 1-2. Ce Je vous parlais tout à l'heure des joueurs des Capitales de Québec, les Cubains. Ne sont pas encore arrivés avec l'équipe, mais on a dévoilé leur identité plus tôt cette semaine. Et là, on va prendre le temps d'en parler pour de bon. Les trois joueurs qui vont s'amener à Québec dans les prochains jours, on parle peut-être de demain ou du week-end ou la semaine prochaine. Il y a Jordan Mandoulé, lui, qui était avec l'équipe l'an dernier, occupera le poste d'arrêt court. Et Malo, lui, ira occuper son poste au deuxième poussin pendant que Vallière prend la troisième prise. Et quant à Matt Roche, il fait un deuxième retour au bâton ce soir. Donc, Mandoulé va s'amener à l'arrêt court, ce qui va déplacer Malo de l'arrêt court au deuxième, et Vallière va devenir un joueur d'utilité à l'avant-champ. Ensuite de ça, on a un joueur qui s'appelle Yurespri Garcial. Lui sera un joueur de troisième but. Donc, le jeune Fontaine a 20 ans ce soir, à deux erreurs, est au troisième. Est-ce qu'on va lui faire confiance? Peut-être pas, puisqu'on a Garcial, un excellent joueur de troisième but cubain, il va s'amener. Et pour terminer tout ça, on a Roel Santos. Lui sera un voltigeur. Sera probablement employé à la place soit de Knack ou de Kretzky. Donc, ces trois joueurs, lorsqu'ils vont s'amener avec les Capitales, ça va complètement changer le visage de cette équipe. C'est un petit peu l'équipe B là, qu'on voit des Capitales ce soir sur le terrain. Balle frappée du côté gauche. C'est une fausse balle par le receveur Adam Hurlish. Hurlish, frappeur gaucher, porte le numéro 10 pour les Capitales. Et lui, il a de grosses, grosses, grosses chaussures à porter cette saison. Puisque du côté du Québec, on avait Osoué Pelé, le général en défensive depuis quelques saisons, avec un gars comme Blackier qui était le réserviste et qui était capable aussi de jouer à plusieurs positions à l'avant-champ. Et les deux l'ont quitté. Malo, plutôt Pelé, a accepté un poste de traducteur avec l'organisation des Jays de Toronto. Et Blackier, lui, bien, a décidé de laisser de côté le baseball de la Ligue Can-Am pour se concentrer sur sa compagnie à lui, qui est partenaire d'affaires avec David Leblanc, le releveur des aigles, pour du côté de la couronne nord de Montréal, ont un centre d'entraînement de baseball. Donc Blackier va s'en occuper à plein temps. Il jouera également dans la Ligue de baseball majeure du Québec, la même ligue que les Cascades à Shawinigan. Voilà, ça, une balle et deux prises pour Hurlish. Le 0-1 dans ce match, il a été retiré sur un ballon au champ centre en troisième. Rush accepte. Un tir! La balle qui est frappée dans l'allée droite, ce sera une très longue course pour les Baltichons, mais cette balle va tomber dans le triangle. Donc, entre Morales, le joueur de deuxième, Brown, le joueur de champ centre, et Ruiz, le joueur de champ droit. C'est un deuxième coup sûr dans ce match, un premier pour Hurlish dans l'uniforme des Capitales. Du côté de l'enclos des releveurs des aigles, on commence à s'activer. Et j'ai même pas besoin de Bélonglu pour vous dire que c'est Dennis Neal qui prend des tirs, puisque lui porte une assez imposante chevelure. Et je mentionnais avec mes collègues avant la saison, la première fois que j'ai vu Neal, ma première question était, est-ce qu'il sera capable de porter la casquette? Bien, il faut croire qu'on avait des bonnes grandeurs du côté des préposés à l'équipement des aigles, puisque la réponse est oui. Donc, c'est lui qui prend des tirs présentement avec le receveur substitut Simon Gravel. On revient avec le haut de l'alignement pour les Capitales au bâton. C'est Jonathan Malo. Malo, 0-2 dans ce match, retiré sur un roulant au troisième et un ballon du côté du champ droit. Le tir de Rush, balle frappée avec aplomb du côté du champ gauche, mais le voltigeur Judah ne bouge à peine et capte cette balle pour le deuxième retrait. C'est un bon contact de Malo. Ouais, malheureusement, frappé au mauvais endroit. Et tant qu'à parler des joueurs cubains et des Capitales, bien, il y a une autre formation canadienne qui vont pouvoir compter sur les joueurs de Cuba. Ce sont les champions d'Ottawa qui, eux, ont été chercher Alexander Matala et Donald Duarte. Ces deux joueurs vont s'amener avec les champions sous peu. Rush accepte. Un tir. Touche le coin extérieur. C'est une prise sur des fusillades. frappe. David, le numéro 22, ça fait un gaucher au bâton pour Québec. 0 en 2-2 balles, ça fait en hauteur, une au champ centre et l'autre au champ droit. Les Friends met son gant au coin extérieur et Rush envoie sa balle directement à l'intérieur. C'est une deuxième prise sur décision. Est-ce que c'est la dernière manche de Rush sur la butte? Côté de Neil, il n'a pas encore monté sur la butte d'exercice, prend des tirs, mais est au bas de la pente. 0-22, balle frappée du côté gauche, Gray plonge, mais cette balle passe en dessous son gain. Et à la défense de Gray, c'est un jeu très difficile à réaliser. Il a tout tenté, mais au final, c'est un coup sûr, un premier avec les Capitals pour Scott Davis. Sortie du gérant Pierre-Luc Laforêt. Bien sûr, lorsque tu as l'entraîneur des lanceurs sous la butte, bien, c'est le gérant qui doit quitter. Tous les joueurs de l'avancement vont se réunir avec Rush et Laforêt. Neil, lui, commence à s'activer plus rapidement. Neil est un lanceur gaucher avec un statut de joueur recru. Du côté de la Ligue Calam, pour les gens qui sont moins habitués, bien, on est obligé du côté des formations d'aligner 5 recrues. On a droit à un maximum de 4 joueurs vétérans et 2 joueurs de statut LS5. LS5, ce sont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, mais pas assez pour être vétérans. Et sinon, on a des joueurs de statut de LS1 à LS4 également dans les formations de la Ligue. Ça est comptabilisé selon les années d'expérience, les apparitions au bâton et les manches lancées en carrière chez les pros. Tire de Rush, bloqué par la France, mais par la balle de vue. Et résultat des courses, les deux coureurs vont avancer de 90 pieds. C'est donc dire que Ehrlich est installé au troisième. David est au deuxième. Et c'est le dangereux Kalyan Sam qui est au bâton. Rush, patient sur la butte. Sam, frappeur droitier, cible à l'extérieur. Serait la première prise. Très bon tir, un fait 85 000 à l'heure de Matthew Rush. Un cas de Kalyan Sands l'an dernier avec les Capitals. Moyenne au bâton 279 avec 16 longues balles et 23 doubles. En plus de tout ça, on a ajouté 65 points produits. Le tir trop haut, deuxième balle. Sands qui a joué un total de 7 matchs en 2016 avec une formation du Mexique. La même ligue que Pedro Lopez, celui qui a quitté les Aigles, mais Sam, lui, a préféré revenir à Québec. 2 balles et 1 prise. Le tir. Rate à l'extérieur, c'est une troisième balle. Une très belle soirée de baseball. On a cru le pire sur l'heure du souper avec une petite pluie et de nuages imposants au-dessus du toit du stade Fernand-Bédard. 3 balles et 1 prise. Balle frappée en hauteur. Le friend retire son masque, mais ne fait seulement que constater que la balle touche le toit du stade. Il donne une nouvelle position sur la passerelle. Côté de l'équipe de destruction de C'est fou, dont seul moi fait partie. On est situé non pas dans la galerie de presse perchée au-dessus du marbre, mais bien sur la nouvelle passerelle située dans la dernière rangée derrière le marbre. Une vue et une place de choix, ça c'est certain. Et la balle qui a roulé sur le toit est terminée au-dessus de notre tête. Compte complet, Kalyan Sams, très belle bataille entre Rush et le frappeur droitier de Québec. Là-dessus, balle frappée du côté gauche et la balle qui perce l'avant-champ.

Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. La sixième manche du côté du stade Fernand-Bédard, les Aigles mènent à 2 sur Québec. Et du côté des Aigles, on débutera cette manche avec les frappeurs 1, 2 et 3, donc Ruiz, Merchant et Matteo. Vont s'amener face au releveur Ryan Leach. Il est venu en relève de Derek Hooker, le partant. Dans le cas de Hooker, je vais pouvoir vous donner sa fiche finale dans quelques secondes. Donc pour Hooker, le partant de Québec, en 4 manches et un tiers de travail, aura donné 9 points, 6 coups sûrs, aucun but sur balle et retiré 4 frappeurs au bâton. Et pour Leach, lui, jusqu'à maintenant, a lancé 2 tiers de manche. Donne absolument rien aux Aigles, en plus de retirer 1 frappeur sur 3 prises. 2 balles, aucune prise, à Rowe. Leach accepte. Frappe à l'extérieur, c'est une deuxième balle. Et pour le partant des Aigles, Matt Rush, bien, sa fiche finale pour ce soir en 5 manches et 2 tiers de travail aura donné 2 points, 4 coups sûrs, aucun but sur balle et 2 retraits au bâton. Et voilà une passe gratuite, une première dans ce match accordé à un frappeur d'une ou l'autre des équipes. Et c'est Ruiz, grâce à sa patience, qui débute la manche au premier coup sûr. Todd Ruiz, lui, maintenant 1 à 3 dans ce match avec un but sur balle. Todd Merchant, lui, a fait un 5, marqué un point. À peine est sorti en quatrième sur une erreur. Merchant, qui, les gens qui nous écoutent via le rappareil radio au stade, bien remarqué que Merchant n'est pas le plus grand des coureurs. Est-ce que c'est en raison de son âge de 35 ans, il n'est plus capable de courir? Je ne sais pas, mais à chaque fois qu'il frappe la balle, si la balle est frappée vers un joueur de position, bien souvent, il va se compter pour battu et il ne va pas forcer la note, comme on dit. Un peu comme Pedro Lopez l'an dernier, c'est deux joueurs de style assez semblable. Une balle et deux prises. Cible à l'intérieur. Balle frappée du côté gauche et Malo. Non, on a peu capté. La balle qui a passé sous son gain. Et il dit Malo, mais on effectue un changement défensif du côté du Québec que j'ai raté. C'est maintenant le numéro 2. C'est Colin Grave qui se trouve maintenant à la récolte du côté des Capitales. Malo, lui, est maintenant au deuxième coussin. Tout juste d'effectuer des changements du côté de Patrice Calabrini. Le tir de Leach à Matteo va le frapper du côté droit et on était incapable de capter dans le col de Lerton et on va pousser le coureur roué jusqu'au marbre et facilement, il marque le point. Et dans le cas de Merchant, lui, a explosé, atteint le troisième. C'est un simple et un point produit pour Daniel Matteo. Un premier point produit cette saison pour le Dominicain. Merchant, comme je le mentionne, est au troisième. Et Ruiz, lui, du deuxième, FG Marquis. Et changement du côté des Aigles. C'est Reed Lavallée qui va s'amener au bâton, le numéro 18. Reed Lavallée qui prend la place de Steve Brown au quatrième rang des frappeurs. Lavallée qui est un joueur qui originaire de Vancouver. Une recrue dans la Ligue canadienne sort des rangs universitaires. Premier tir qu'il affronte. Bien, il l'a frappé. C'est une fausse balle qui roule dans l'enclos des Capitales du côté gauche. Et voilà, du côté de Québec, c'est Fontaine qui a écopé. Puisque Vallière est au troisième. Donc, du côté de Québec, on a Lennerton au premier, Malo au deuxième, Vallière au troisième et Grave à l'arrêt-court. Et au champ extérieur, ça ne change pas. Gretzky, Sam Zinkna. La Vallée est un petit frappeur gaucher. Porte le numéro 18. Et laissez-moi vous dire que ce n'était pas son premier choix, puisque étant une recrue, c'est le dernier à choisir son numéro. Et j'étais avec lui tout à l'heure lorsqu'il l'a choisi. Porte un chandail un petit peu trop grand pour lui ce soir. Lorsque le numéro arrive à la ceinture, avec un pli, c'est signe qu'il est un petit peu trop grand. Le tir de Lee, ça va le casser, mais le tir termine trop bas. C'est une deuxième balle, 2 et 2. Pour la sixième fois ce soir, les Aigles ont des coureurs aux extrémités. Cette fois, c'est Merchant et Matteo. 10 à 2, 3 Rivières, fin de sixième. La Vallée soulève un ballon dans l'allée de gauche. Sams demande la balle et la saisit pour le premier retrait. Et le coureur Merchant est en course vers l'avant, mais facilement glisse, il le sauve. Je crois que Merchant a sauté la défensive. Sams a fait un relais plutôt très lent au lanceur. Enfin, l'intercepteur qui était Lennerton, le joueur de premier but, s'est amené sur la butte pour intercepter la balle. Et facilement, Merchant a croisé le marbre et les Aigles mènent maintenant 11 à 2. Le jeu de Matteo, lui, n'a pas bougé, demeure au premier. Judah Boza, frappeur droitier face à Leach qui lance une balle à l'intérieur. Judah n'a pas bougé, mais ça a passé très près de la tête. 12 coups sûrs pour les Aigles, 4 pour les Capitales. Balle frappée du côté gauche, saisie par Vallière au troisième, elle met au deuxième pour un. Et on remet à temps au premier. Très bien fait. Double jeu, 5, 4 et 3. Les Aigles ont tout de même marqué 2 points dans cette manche. Sur un total de 1 coup sûr, aucune erreur et un coureur a été laissé. Aucun coureur a été laissé sur les buts. Après 6 manches complétées. Trois-Rivières mène par 9. En vous rappelant qu'en direct du stade de Fernand-Bédard, vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en début de septième manche à Trois-Rivières, les Aigles qui mènent 11 à 2 sur Québec. Dennis Neal, le releveur, va amorcer une première manche la butte. Lui est venu en relève de Rush à la manche précédente. Son premier tir face à Knack, trop haut, c'est une balle. tout à l'heure, c'est Lavallée qui a pris la place de Brown au bâton. Donc, une avance de 9. La Forêt se permet d'évaluer ses joueurs, mais solide claque de Snack du côté de l'allée du champ gauche. Elle est d'avertissement. Cette balle, elle est partie! Circuit en solo de Marcus Snack. Cette balle ne laissait aucun doute. Un très bon contact. Kane Hill va s'en vouloir. Son tir demeurait suspendu dans la zone des brises. Et Neil est une recrue en apprentissage et va le savoir. Tu laisses une balle haute comme ça dans la zone des prises dans la Ligue Canam. Et attends-toi que cette balle voyage très bien. Pour terminer mon intervention des changements défensifs pour les Aigles, donc Lavallée est au champ droit. Ruiz passe du champ droit au champ centre. Et Simon Gravel est maintenant d'office derrière le marbre à la place de Kyle Lafrent. Donc oui, c'est le premier match de la saison régulière, mais la Forêt se permet avec cette avance de donner un peu de terrain à tout le monde. C'est important au début de campagne de voir de l'action se mettre dans le bain. Et c'est exactement ce qu'il fait ce soir avec Gravel ainsi que Lavallée. Deux joueurs qui sont des substituts cette saison, du moins pour le début de la campagne. Le cas de Knack qui fait le frapper la longue balle, mais ce soir, c'est le meilleur à l'offensive pour Québec. Ça a pris un double en deuxième et une longue balle il y a quelques secondes. Début de septième manche à Trois-Rivières. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous souhaite une excellente saison de baseball à l'antenne de C'est Fou 89.1 FM. 60 matchs seront radiodiffusés à notre antenne cet été. 53, en fait, tous les matchs locaux seront diffusés à la radio en plus de 7 matchs à Québec, dont celui de demain soir. Mais reste à savoir, est-ce qu'on sera avec vous demain soir par téléphone comme ce soir? C'est la raison qui explique le mauvais son ou si le tout sera réparé pour demain. Tire trop bas pour Gretzky. C'est une deuxième balle, 2 et 2. Dans le cas de Trevor Gretzky, ce soir, il est 0 en 2. Deux roulants, un au premier et l'autre au joueur d'arrêt-court. Le tir de Dennis Neal. Oh, ça rate de très près. Et on entend les murmures dans les gradins. C'est une troisième balle. Un très léger vent ce soir qui pousse du troisième vers le champ centre. Compte complet. Le tir, c'est une troisième prise sur décision. Très bon tir de Neal. Va chercher un premier retrait au bâton dans les rangs professionnels. On amène maintenant Jérôme Duchesneau au bâton. C'est une première présence pour lui dans ce match. Puis il cherche changement d'un côté comme de l'autre. C'est très rare qu'on voit ça dans la Ligue Canam, puisqu'habituellement, lorsque la saison est bel et bien entamée, les gérants, ils vont avec leur valeur sûre, mais du côté de Québec, il faut les comprendre, n'ayant joué qu'un match hors concours contre leurs petits frères de Québec, les Diamants. Et on veut donner du terrain à tout le monde. C'est la raison pourquoi on va valier ce soir. On est même en mode évaluation du côté de Québec, puisque lorsque les trois Cubains ont débarqué dans la capitale québécoise, bien, trois joueurs en plus indiquent que Scalabrini devra en retrancher trois. Et ce soir, demain aussi, seront des bons moments pour évaluer ces joueurs. Une balle et une prise à Duchesneau. Sur élan. Duchesneau qui a joué quelques matchs l'an dernier avec les Capitales de Québec. Parce que l'infirmerie débordait du côté de la troupe de Scalabrini. Bien, on a appelé Duchesneau qui s'est aligné avec les Diamants de Québec. Le tir mal frappé du côté droit. Roland bloqué par Mathéo qui va remettre au lanceur de Nesnil qui touche au coup de sang pour le deuxième retrait. Après qu'il s'inscrit 3 et 1. À ça de Duchesneau. L'an dernier, il avait disputé un total de 10 matchs avec les Capitales. Maintenant, on est très seul, moins nos bâtons, à seulement 105. De tout en 19 apparitions au bâton. Chano, âgé de seulement 21 ans. Messire de Neil. Avalière, trop bas, c'est une balle. En termes de joueurs québécois, du côté des capitales, on a Malo, Chano, Vallière. On a perdu Blackière. Il est nommé Guillaume Leduc, qui est toujours avec l'équipe, mais sans contrat. Lui qui s'est lié avec Québec en 2012, a quitté pour aller étudier dans les universités, en fait, a étudié à l'Université Laval, mais ne pouvait pas jouer au baseball, puisque c'était une bourse d'études du temps qu'il avait été repêché dans le baseball majeur. Du côté des Aigles, bien, on a Gravel et Leblanc comme joueurs québécois. Tiens, voilà le prix sur décision de première, une et une. Outre le mauvais tir accordé à Kinect tout à l'heure, j'aime bien les premiers pas de Neil dans le baseball professionnel. Le tir rate à l'intérieur, deuxième balle. Neil qui a est un des lanceurs des Aigles qui a vu le plus d'action lors des matchs préparatoires puisqu'il est en évaluation. Balle frappée mollement vers Merchant qui est en mouvement saisi et remet au premier. Attends à Matteo pour le troisième retrait. Sa mère de 7 demi-manches pour Québec. Un point sur un coup sûr, aucune erreur et personne n'a été laissé sur les buts. Après 6 manches et demi de complété, Trois-Rivières 11, Québec 3. En vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles, assez fou, 89-1. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, tous les jeudis à 9h30. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Et nous voici en fin de 7e manche à Trois-Rivières, les Aigles qui mènent 11 à 3 sur Québec. Je suis très heureux d'être de retour avec vous ce soir à la description du baseball des Aigles. La dernière fois qu'on s'était parlé, les fidèles auditeurs s'en souviendront, c'était dans le coin du 20 septembre, la date exacte m'échappe présentement, mais je vous parlais en direct du New Jersey, les Aigles qui avaient remporté le premier championnat de leur histoire. Et on se retrouve 8 mois plus tard au match d'ouverture de la 4e saison de l'histoire de l'équipe avec une très bonne foule dans les gradins. Pendant que Gravel, lui, s'amène pour une première fois au bâton cette saison, venu remplacer La Friends avec cette marque de 11 à 3. Toujours le releveur Leach sur la butte pour Québec. Et voilà une deuxième balle, 2 et 1. Et mon collègue metteur en ondes, Mathieu Plante, me confirme que c'est bel et bien le dimanche 20 septembre que les Aigles avaient remporté le premier championnat de leur histoire, donc ma mémoire ne faisait pas défaut. Quel match les Aigles avaient disputé au New Jersey. Les Jackals, eux, se retrouvaient pendant qu'elle allait frapper vers le joueur de deuxième but qui est Malo, saisi, se relève et remet à temps à Lennerton au premier pour le premier retrait. Retrait qui s'inscrit 4 et 3. Voilà ce match au New Jersey en finale 2 à 1. On s'en souvient, c'est Brad Sweet, la recrue, qui avait débuté le match, puisque Rush est ennuyé par une blessure. Et le releveur numéro 1 dans en ligne, lui aussi, est amputé de presque un bras. Donc, on a préféré envoyer Scott Kuzminski en 9e, la recrue lui aussi, pour fermer les lignes. Et cette décision avait souri à Pierre-Luc Laforêt. Enfin, il n'avait pas vraiment le choix pendant que Canadien frappe la balle vers Malo. La balle fait un court bond devant lui, capte et remet Alan Hurton au premier, attend pour le deuxième retrait. Copier-coller. Retrait qui s'inscrit 4 et droit. Et pour les Jackals, eux, c'est bien triste puisque cette équipe, le 20 septembre, bien elle s'inclinait pour une cinquième fois de suite en finale de la Ligue Cana. Les Jackals, on aura la chance d'en parler lors des prochains reportages, mais sur l'alignement de 23 joueurs, ils en ont 19 nouveaux. Et un seul joueur de position, c'est Devontae Richardson qui va être de retour au champ centre. Donc, comme à chaque année, les Jackals font peau neuve. C'est peut-être une des raisons pourquoi, à New Jersey, on a la difficulté à établir un sentiment d'appartenance entre les partisans et l'équipe, puisqu'en finale, je m'en souviens, il y avait à peine 500 spectateurs dans les gradins. Je dis 500, je suis très généreux. Mais lorsque tu as des nouveaux joueurs année après année, comment vouloir bâtir une relation entre les partisans et l'équipe? Du côté des Aigles, bien, avec un noyau d'une quinzaine de joueurs qui revient cette saison, ça c'est mission accomplie. On a beaucoup de joueurs qui adorent jouer ici, veulent revenir. Et avec un championnat, vous allez me dire que ça l'aide et vous avez raison. Mais championnat veut aussi dire que les joueurs veulent une augmentation de salaire. C'est des raisons pourquoi des joueurs comme Lagarde ne sont pas de retour cette saison. Des joueurs comme Hurtler, notamment lui, au champ gauche, le premier frappeur, n'est pas de retour. Des joueurs veulent plus d'argent. Mais au final, il y a un cap salarial à ne pas oublier dans la Ligue Canadienne. Une balle et deux prises. Eric Grave, fausse balle derrière le marbre. Une et deux, deux retraits, personne sur les sentiers. 12 coups sûrs pour les Aigles, 5 pour Québec. 11 à 3 la marque, 3 Rivières. Le premier match d'une série de 4 entre les deux équipes ce week-end. Grave qui est sans l'air, très bon tir à effet. De Leach qui a complètement déjoué le frappeur des Aigles. Donc Grave est maintenant 0 à 4 ce soir. Et Leach, lui, a été parfait dans cette manche sur la butte. On se dirige en début de 8e manche. Les Aigles mènent 11 à 3. En vous rappelant qu'en direct du stade de Fernand Bédard, vous écoutez le baseball des oiseaux à Cifou 89.1. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage requis, aujourd'hui. Avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de CIFOU 89.1 FM. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en début de 8e manche du côté du parc de l'exposition. Les Aigles mènent 11 à 3. Et on a un nouveau lanceur sur la butte pour Trois-Rivières. C'est le Québécois David Leblanc. Il va prendre la place de Dennis Hill qui a très bien fait, tout comme Matthew Rush qui était le lanceur partant de ce match. Dans le cas de David Leblanc l'an dernier, bien, il a lancé 43 manches et un tiers, moyenne de points mérités à 3.95 avec un dossier de 1 victoire et de 2 défaites. Avec un ratio de 35 retours au bâton contre 20 buts sur balle. Dans le cas de Leblanc l'an dernier, bien, c'était sa meilleure saison de l'uniforme des Aigles, puisqu'on s'en souvient, en 2013-2014, Leblanc était souvent employé dans des situations où l'équipe menait par une grande marge ou perdait par une grande marge également. Mais l'an dernier, la Forêt l'a très bien utilisé dans des situations très critiques et avait offert un très bon rendement. C'était sa meilleure moyenne de points mérités en 3 ans. Il avait lancé quand même une quarantaine de manches pour un releveur, c'est très bien. Donc Leblanc, son premier tir est une prise sur décision. Leblanc devra affronter les frappeurs 9, 1 et 2 pour Québec, donc Lurich, Malo et David. Leblanc, lanceur droitier. 6 pieds, 6 pouces, 230 livres. Et voilà une deuxième prise sur décision. Leblanc qui va toucher tout juste le coin extérieur. Aucune balle et deux prises. Le tir. Rate à l'extérieur, c'est une première balle. Si elle l'a valée et Gravel obtient une chance ce soir en fin de match de se faire valoir, bien, tout porte à croire que Jalen Harris obtiendra un départ ce week-end pour les Aigles, puisque Grabe doit quitter en raison de... Voilà, pardonnez-moi, la balle a été frappée vers Merchant. Très beau jeu de ce dernier, remis au premier à temps, Mathéo, pour le retrait qui s'inscrit 6 et 3. Donc oui, Grabe doit quitter pour des raisons familiales ce week-end. Donc on aura un nouveau joueur de troisième but pour terminer la série contre Québec. Et par la suite, Grabe reviendra avec ses coéquipiers. Et c'est dans ce genre de circonstances que tu aimes avoir des joueurs remplaçants solides et à Lavallée et Harris. Ce sont les joueurs que la Forêt a choisis. Voyons voir s'ils vont capables de tenir un bon bout de temps. Malo, frappeur droitier contre David Leblanc. Releveur droitier, premier tir, oui, une prise sur décision. Un smash pour Malo, 0 en 3. Frappeur un roulant vers le joueur de troisième but dès le départ. Et ensuite, a soulevé la balle au champ droit et au champ gauche. Le tir de Leblanc. Dans l'extérieur, c'est une première balle. 11 à 3, les Aigles, début du 8e. Ce soir, au stade, c'est la thématique Ladies Night, présentée par les toitures Pat Cazot. Donc, toutes les femmes qui se sont présentées au stade avaient la possibilité d'acheter un billet pour seulement 5 $ en admission générale. Malo soulève la balle du côté droit. Lavallée se déplace quelque peu et capte cette balle pour le deuxième retour. Le prochain match à domicile des Aigles, lui, aura lieu samedi soir. Notez bien l'heure, 18h05. Donc, tous les matchs en semaine, comme à l'habitude, seront disputés à 19h05. Les samedis, on change l'heure du côté des Aigles. Ce sera à 18h toute la saison. Et les dimanches, auparavant, c'était à 13h35. Et cette saison, les matchs le dimanche seront à 13h05. Donc, samedi soir, ce sera la soirée hommage aux champions présentée par Antiro et Métropolitain. Donc, on dévoilera la bannière des champions samedi. On remettra la bague officielle de championnat aux membres de l'équipe 2015 qui sont encore présents. Et on remettra également à tous les partisans, du moins les 2500 premiers, un magazine souvenir relatant les meilleurs moments de cette conquête du championnat l'an dernier. C'est un rendez-vous pour les amateurs de baseball ce samedi, 18h au stade Fernand Bédard. Tire au coin extérieur, c'est une prise à Scott David. À Scott David, ce soir, 1 en 3 avec un point marqué. Frappé un simple en 6e. Personne sur les sentiers, 2 retraits. 2 prises également au frappeur gauche. C'est de Leblanc. Et c'est une 3e prise sur décision. Leblanc qui va chercher son premier retrait sur 3 prises en 2016. Et il a été parfait dans cette manche. Avec une avance de 11-3, les Aigles se dirigent en fin de huitième. En vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Mardi de la relève, le plus grand concours de Ben Live entre Montréal et Québec en est à sa 19e édition. Mardi 24 mai, grande finale. Les Mardis de la relève au Gambrinus, une réalisation des productions Joshua. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous voici en fin de huitième manche. Les Aigles mènent toujours 11-3 sur Québec. On a un nouveau lanceur sur la butte pour les Capitales. C'est un lanceur gaucher. Il se nomme Jordan Miles, un géant de 6 pieds, 5 pouces, 215 livres. Miles est un choix de 28e ronde en 2013 des Astros de Houston. L'an dernier, il évoluait niveau offensif des Astros à Lancaster. Il a lancé un total de 26 manches à Lancaster pour maintenir une moyenne de points mérités à 3.81. Puis une victoire, deux défaites. Un ratio de 22 rétro-bâtons contre 16 buts sur balle. Balle frappée par Morales vers le joueur de la cour qui échappe cette balle. Et ce sera une quatrième erreur, sans aucun doute, à l'affiche des Capitales. C'est Grave là-dessus qui c'est un rouleur de routine, pour l'avouer, et a mal paru. Ça, c'est des erreurs qu'on voit souvent à l'entraînement. Et je le répète, mais les Capitales n'ont pas eu d'entraînement. On jouait seulement un match en concours contre les Diamants. Et c'est des erreurs qui on arrivera en début de campagne, ça, il n'y a aucun doute. On revient avec le haut de l'alignement pour les Aigles. Jackson Ruiz, le frappeur droitier, au bâton. Premier tir à l'intérieur. C'est une première balle. Miles accepte. Balle frappée du côté gauche, passe tout près de l'instructeur Maxime Poulin au troisième et roule jusque dans l'enclos. Et quant à l'enclos des Aigles, bien, on peut apercevoir Scott Kuzminski qui prend quelques tirs en compagnie de Carl Frantz. Une balle et une prise. Un tir. L'autre fausse balle du côté gauche, cette fois saisie par Poulin. L'instructeur au troisième qui peut remettre la balle à un jeune partisan. Dans le cas de Miles, première apparition avec les Capitales, a une motion un petit peu de côté. Ça fait penser à David Leblanc. Seule exception, Leblanc est droitier, Miles est gauche. Mais lance un petit peu de côté. Une et deux à Rousse. Le tir. Le est touché du bout du bâton et cette balle va percer l'avant-champ et même le coureur des Aigles va atteindre le troisième, mais Rousse, lui, va être un petit peu trop gourmand. Et il est retiré. Du côté des Aigles, c'est Morales. Lui a atteint les sentiers sur une erreur. C'est rendu au troisième. Mais c'est Ruiz Labal qui a été frappé. Encore une fois, à travers le monticule. Et le joueur d'arrêt-course, c'est Grave et Marlowe, le joueur de deuxième but. Ils sont amenés à la balle derrière le deuxième coussin. Ils ont semblé toucher la balle, mais elle a fait un bond au champ. Ce qui a donné la chance à Morales d'aller au troisième. Mais Ruiz, lui, a voulu surprendre la défensive, mais elle était un petit peu trop gourmand. Lui, s'était épinglé au deuxième. Donc, dire que les Aigles menacent avec un coureur au troisième et un seul retrait. On va tout de même inscrire un simple à la fiche de Ruiz. Et dans son cas, c'est son deuxième coup sûr de la soirée. Le vétéran Aziz Merchant est au bâton. Avec une prise au compteur. Le tir, voilà une prise sur décision. Merchant qui rigole et regarde l'officiel, le tir semblait bas. Matteo est au cercle d'attente. Et le tir, troisième prise sur elle. Très, très bon changement de vitesse de Mize là-dessus. Merchant a mordu et va retourner avec son bâton à l'abri. Daniel Matteo qui, on le sait, Matteo est un frappeur ambidex, va s'amener comme frappeur droitier face au gaucher Mize. Il va tenter de permettre à son coéquipier Morales de croiser le match. D'ailleurs, ce soir, dans la Ligue Canam, match terminé, les Miners de Sussex l'emportent 4-2 contre les Boulders à Rockland. Et du côté de Ottawa, c'est l'égalité 2-2 entre les Jackals et les Champions. Le tir de Miles, fausse balle qui frappe la cheville gauche de Matteo. C'est ainsi que Kuzminski va s'amener en relève en 9e pour les Aigles. Le lancer, loin à l'extérieur, et Matteo est allé à la pêche. Fendu l'air, cette balle était quoi? Un bon au pied, son bâton. Gaucher accepte. Et le tir. Matteo soulève un très faible ballon à l'avant-champ. C'est Marlowe, le joueur de deuxième but, sous la balle et saisi pour le troisième retrait. À cette demi-manche, les Aigles n'ont pas marqué de points sur un coup sûr, une erreur et un coureur a été laissé sur les buts. Après 8 manches complétées, Trois-Rivières 11, Québec 3. En vous rappelant qu'en direct du stade Fernand Bédard, vous écoutez le baseball des Aigles à Cifou 89.1. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Samedi 28 mai 21h30, les Divans Bruns sont de retour aux Innobs pour vous faire danser. Pour une soirée endiablée au rythme de succès bonbons des années 60 à 80, tout ça joué par 5 amis d'enfance de Trois-Rivières, soyez aux Innobs ce samedi 28 mai 21h30 pour les Divans Bruns. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage requis aujourd'hui. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous ici en début de 9e manche du côté de Trois-Rivières, les Aigles qui mènent 11-3. Très, très, très heureux d'être avec vous ce soir pour ce premier match de la saison 2016. Encore une fois, désolé, mes excuses pour le son. Présentement, je fais le match via mon téléphone cellulaire en raison de problèmes techniques survenus quelques minutes avant le match. On vous assure que M. Jean-Philippe Charbonneau et moi-même, on va faire tout dans notre pouvoir demain pour tenter de résoudre le problème et de vous présenter le match du côté du stade municipal à Québec. Donc, si vous êtes avec vous, demain, ce sera en avant-match à compter de 18h55. Tir de Kuzminski. Prise sur décision. Donc, Kuzminski s'amène en relève. Et pour terminer sur demain, on fera un bilan du match de ce soir. Si le son était correct via téléphone, on pourra se déplacer à Québec et faire la même chose pour vous présenter le match. Balle frappée du côté du champ droit. La Vallée n'arrive pas à la balle à temps. C'est donc un simple pour le premier frappeur des Capitales dans cette match. Le cas de Kuzminski, bien l'an dernier, c'était amené à fin de saison avec les Aigles. Il avait lancé seulement 5 manches et un tiers en saison régulière. Il avait mené moins de 5.06, donc des chiffres qui ne veulent pratiquement rien dire avec un super échantillon. Mais on se souvient de Kuzminski, pourquoi? Car c'est lui qui a lancé la dernière prise qui a permis aux Aigles de remporter le championnat. Tire à Arlenerton, fausse balle du côté gauche, première prise. Du côté des Capitales, présentement sur les sentiers, c'est le numéro 12 qui ne figure pas sur la feuille de statistiques. Donc, impossible pour moi de vous mentionner son identité. C'est parfois des choses qui arrivent en début de campagne avec des nouveaux joueurs, avec des nouveaux chandails à remplir, plein de retranchements à faire à la date limite, ce qui fait en sorte que parfois des informations coulent entre les équipes et le site officiel de l'ICANA. Le tir trop bas, c'est une première balle, une et deux, à Leonardton. En cas de Leonardton, le joueur de premier but de Québec, il est 0 en 3 ce soir. Le tir de Kuzminski, trop bas. C'était la rapide à 90 000 à l'heure, mais il a tellement mis la gomme que cette balle s'est retrouvée au sol. Reste tout ça pour les Aigles. Si on s'inquiétait du rendement offensif de l'équipe, bien, très faible échantillon encore une fois, mais ça fait du bien d'avoir une performance de la sorte des Aigles, surtout devant leurs partisans. Deux balles et deux prises à Leonardton. Balle frappée vers joueur de deuxième but qui remet à Merton au deuxième et remet à temps au premier pour le double jeu signé 4. 6 et 3. C'est Morales au deuxième qui a remis à Merchant qui, lui, a remis à Mathéo au premier pour compléter le premier doublé des Aigles dans ce match. Et Marcus Snack, l'auteur d'un coup de circuit plutôt dans ce match, va se ramener au bâton. Il a frappé la longue balle en septième. Et les partisans qui se lèvent ici au stade, les Aigles sont à qu'un seul retrait destinés à la victoire dans ce match hors concours devant 1800 spectateurs au stade ce soir. On a vu Rush sur la butte pour les Aigles. Neil par la suite. Leblanc. Et voilà Kuzminski qui va d'une deuxième prise sur elle. Une seule prise, c'est par les Aigles de la victoire. Les partisans sont debout et tapent des mains. Vous avez hâte, ces partisans, de retrouver leur équipe de baseball. Kuzminski accepte. Et le tir. On se lève un très haut ballon derrière le marbre qui va terminer sa course dans le stationnement. Aucune balle, deux prises, deux retraits, personne sur les sentiers. Les Aigles qui ont une confortable avance présentement. Un tir. Autre fausse balle de Knack qui n'abandonne pas cette fois du côté droit. Tout le monde est prêt? Et le tir. Balle est frappée en hauteur du côté droit. La vallée va s'amener tout près de la ligne et va capter cette balle pour le troisième retrait. Victoire des Aigles de Trois-Rivières par la marque de 11 à 3 sur les capitales de Québec. Courte pause et au retour, l'émission d'après-match. En vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. La 17e édition de MUTECH se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutech.org. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Retour pour cette émission d'après-match du baseball des Aigles qui débute la saison en force, c'est le cas de se dire, une victoire de 11 à 3 sur les capitales de Québec, leur grand rivaux de l'autoroute 40. Donc, les Aigles qui, 11 points, très positifs, seulement 3 points accordés. Les lanceurs ont très, très bien fait ce soir du côté des Aigles. Donc, oui, plusieurs petites choses à travailler, des détails qu'on doit travailler. C'est seulement le match 1. Donc, il y a encore 99 matchs pour faire place à amélioration. Mais de qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Je regarde les chiffres. 2 en 4 pour Ruiz, 2 en 5 pour Marchand. 3 en 4 et 2 points produits pour Carenza avec la longue balle. Donc, les frappeurs des Aigles ont été très bons. Brown 2 en 2 avec 2 points produits grâce à sa longue balle aussi. Donc, on a très bien fait ce côté des Aigles et sur la butte, que dire, de Rush, Neil, Leblanc et Kuzminski qui n'ont rien donné au capital, qui eux à leur défense, mais les frappeurs, c'était une des premières fois qu'ils voyaient des tirs en situation de match cette année. Donc, par le manque de match en concours, c'est peut-être une excuse, peut-être, j'ai bien que Scalabrini va employer dans son point de presse d'après-match. Donc, on reviendra avec ses réponses demain. Donc, je vous rappelle la victoire des Aigles ce soir, 11 à 3 sur les capitales. Pour Québec, dans ce match, 3 points sur 6 coups sûrs et 4 erreurs. Pour les Aigles, 11 points sur 13 coups sûrs et aucune erreur. La victoire va au dossier de Matthew Rush. C'est évidemment une première pour lui cette saison. Et la défaite va au dossier du lanceur partant Derek Hooker. L'assistance au match de ce soir, 1800 spectateurs. Sinon, ailleurs du côté, dans la Ligue Can-Am, bien, les Miners de Sussex l'emportent 4 à 2 sur les Boulders de Rocklin. Et quant aux champions d'Ottawa, bien, une poussée de 2 points en fin de match leur permet de l'emporter 4 à 2 sur les Jackals du New Jersey. Donc, avec tout ça, les Aigles ont mettre un dossier d'une victoire contre aucune défaite. Notre prochain rendez-vous, ce sera pas plus tard, peut-être demain, si le matériel radio veut bien collaborer. Donc, ce soir, c'était par téléphone. Demain, on va tenter de retrouver notre appareil radio. Donc, ce sera le gaucher Ryan Bollinger sur la butte pour les Aigles. Il sera opposé à l'excellent Carl Gélinas pour les Capitales.